Chapitre 3e. La ville d'Alep. Le lendemain, vers le milieu du jour, Youssouf se rendit de nouveau au jardin qu'habitait Malika. Comme la première fois, il la trouva couchée auprès du puits. Dormait-elle réellement ou songeait-elle les yeux fermés? Il ne perdit pas une minute à se le demander. Au bruit léger qu'il fit en franchissant la haie, Malika ne remua pas. Youssouf, s'étant approché avec précaution, déposa à ses pieds une paire de pendants d'oreilles du même métal que le bracelet. Lorsque la jeune fille ouvrit les yeux, lorsque d'une main furtive elle ramassa, pour les admirer avec complaisance, ces bijoux dont elle brûlait déjà de se parer, le nakoda avait disparu. Traînant dans la poussière ses babouches de cuir jaune, une main dans sa ceinture, l'autre appuyée sur le bâton à tête recourbée qui est la houlette des anciens pasteurs de le Yémen, l'arabe regagnait la ville. De temps à autre, il caressait sa barbe en se souriant à lui-même. Il calculait les bénéfices de ses précédents voyages, ce qu'il espérait faire encore, et s'épanouissait à la pensée de tous les beaux cadeaux qu'il pourrait offrir à Malika. Pendant qu'il poursuivait ses doux rêves, les deux pêcheurs avaient épié ses démarches. Cachés sur le bord de la route, ils l'attendaient au passage. « Voyons, disait Irubala à son frère, nous avons un compte à régler avec l'arabe. Il faut tirer de lui quelque argent. » Nous sommes deux contre un, répliqua Tirupati, c'est vrai, mais je n'oserais l'attaquer. Si nous remettions la partie à demain, ce soir j'irai recruter sur le port une douzaine d'amis. Avec lesquels il faudrait partager, interrompit Tiruvala en haussant les épaules. Écoute, veux-tu faire ce que je te dirai? Il y aura au moins 30 roupies pour nous deux. Que faut-il faire? Demanda Tirupati. Rien de bien difficile. Le harceler, le pousser à bout par nos cris. Il est prompt à se mettre en colère, tu le sais. Ces gens-là sont fiers, méchants. Et quand il frappe, on doit le sentir. Précisément, c'est notre affaire. Comment cela? Reprit le plus jeune des deux pêcheurs, qui redoutait les coups autant et plus qu'aucun de ses compatriotes. Au Bengale, répondit Tirubala, un coup de poing reçu dans les côtes se paie 25 roupies, c'est le tarif. Je suppose que le nakoda, fatigué de nos criailleries, te maltraite un peu rudement. Nous courons trouver le juge, j'explique l'affaire, et l'arabe est condamné à nous payer l'amende. Tirupati gardait le silence, les coudes sur ses genoux, la tête dans ses deux mains, il fixait sur son frère des yeux hébétés. « Eh bien, c'est convenu, » reprit Tirubala en se levant avec vivacité. « Il faut donc absolument que ce soit moi qui reçoive les coups ?» demanda Tirupati. « Oui, et tu vas comprendre pourquoi, » répondit Tirubala. « Toi, qui es un peu poltron, oserais-tu aborder en face ce nakoda à barbe noire? Serais-tu assez hardi pour le menacer en le regardant entre les deux yeux ?» Tirupati secoua la tête. « Eh bien, » continua Tirubala, « moi je m'en charge. Je prends le rôle le plus difficile, celui qui est au-dessus de tes forces. Tu n'as rien à faire, rien qu'à me laisser agir et à te tenir à portée du nakoda. Tiens, le voilà. Glisse-toi derrière lui tandis que je vais lui barrer la route. » Tirupati se faufila derrière les buissons comme un roquet qui cède le pas à un dogue. Son frère s'avança vers Youssouf, la tête haute. Peu à peu, Tirubala, qui avait plus d'effronterie que de hardiesse, perdit courage en voyant l'arabe marcher vers lui avec assurance. « Le nakoda Saheb vient de se promener ?» lui dit-il d'une voix doucereuse. Et comme Youssouf ne répondait rien, « Le nakoda Saheb, reprit-il, ne me reconnaît pas. Je suis le pêcheur qu'un accident causé par l'équipage du Bagro a réduit à la misère. »« Je t'ai payé, et plus que je ne te devais, » répliqua Youssouf, « va-t'en. »« Homme généreux, » reprit Tirubala, « vous m'avez donné de quoi payer mes filets perdus, et ce n'est pas là-dessus que je réclame. » Mais votre baguero en manœuvrant a heurté ma pauvre petite pirogue. Elle fait tant d'eau maintenant que nous ne pouvons prendre la mer. Tu mens. Tout ce que tu peux attendre de moi, c'est une demi-douzaine de coups de bâton pour payer ton impertinence. Range-toi, que je passe. » Tirubala fit un signe à son frère qui s'approchait sur la pointe des pieds. Le moment était opportun pour commencer l'attaque en règle. Le pêcheur se redressa donc avec arrogance. « Vous ne passerez pas, » s'écria-t-il. « Il y a une justice à Alep. » « Frappe, si tu l'oses, nakoda, frappe. Depuis quand les musulmans sont-ils les maîtres en pays de trave encore ?» Pendant que son frère s'exprimait de la sorte en haussant le ton, Tirupati avait saisi le nakoda par les manches flottantes de son caftan. Il le secoua deux mains et crie avec force, 25 roupies, il nous faut 25 roupies, 30 roupies. » Youssouf s'était retourné. Il avait levé le bras pour écarter d'un coup de poing bien appliqué cet autre adversaire qui aboyait à ses talons. Tirupati poussa un cri de détresse et disparut à travers champs. Son frère, jugeant que le tour était fait, s'esquiva à toutes jambes, et l'arabe resta seul au milieu de la route, aussi surpris de l'audacieuse attaque des deux hindous que de leur prompte retraite. Tirubala courut rejoindre son frère, qu'il trouva couché sur un sillon, se tenant le côté gauche, les traits bouleversés. « Tu vois bien qu'il ne fallait qu'un peu de hardiesse et de sang-froid, » lui dit-il. « Maintenant, allons trouver le juge. Si tu as une côte enfoncée, il ne manque pas de médecin pour la remettre. » Aidé par son frère, Tirupati se releva et ils marchèrent lentement vers la ville. Il y avait dans les magasins des bazars de quoi tenter les pauvres pêcheurs. Les étoffes brochées d'or et d'argent, les fins tissus de Lahore et du Cachemire, les écharpes brodées de Dhaka, sur lesquelles étincelaient les oiseaux et les fleurs, les soieries de la Chine, tout ce que le goût oriental peut produire de plus éclatant et de plus riche, s'y déploie au regard du passant. Des arbres de toute espèce, jacquiers aux feuilles épaisses, cocotiers élancés, manguiers aux vastes branches, mimosas aux fleurs pareilles à des touffes de soie, jettent leur ombre dans les rues mal alignées des bazars, au-dessus desquels on voit s'arrondir les dômes des pagodes. Cette ville hindoue perdue sous le feuillage ressemble assez bien au parc d'un raja dans lequel le caprice du maître aurait entassé les plus rares produits de l'industrie asiatique. « Vois donc, » disait Tirubala à son frère, « que de belles choses. Dès que le juge nous aura fait payer, je t'achèterai une de ces jolies écharpes de mousseline à bandes d'argent pour t'en faire un turban. » Et pour cela, tu n'auras pas eu d'autre peine que de recevoir un coup de poing. » Tirupati fit claquer sa langue. « Souffres-tu beaucoup ?» lui demanda son frère. « Il serait bon pourtant de voir le juge aujourd'hui même. Si l'arabe allait nous prévenir, s'il déposait une plainte accompagnée de quelques petits présents. » « Si tu es si pressé, va tout seul, » répliqua celui-ci. « Tu vois bien que je puis à peine respirer. » Le fait est qu'il marchait avec une lenteur excessive. Arrivé à l'un des nombreux ponts de bois jetés sur les ruisseaux qui arrosent dans toutes les directions cette étrange ville, il s'arrêta. De légères pirogues peintes de vives couleurs, plus sveltes que la plus fine gondole de Venise, se croisaient sur ces canaux peu profonds. « Tiens, » dit Tirupati, « j'aimerais ramer dans un de ces canaux, je m'ennuie à terre. »« Quand tu seras guéri, nous retournerons à la pêche, » répondit Tirubala. « Repose-toi un peu si tu es là, et puis nous irons frapper à la porte du juge. C'est là notre grande affaire pour aujourd'hui. »« Bah, » répliqua Tirupati, « le juge ne voudra peut-être pas entendre de pauvres gens comme nous. Tu lui montreras ta blessure, qui parlera pour toi, si tu n'oses expliquer l'affaire. D'ailleurs, je me charge de prendre la parole. » « Ma blessure est si peu de chose, » dit Tirupati en se redressant par degrés comme un malade qui se trouve mieux. « Ce que j'éprouvais n'était que l'effet du saisissement. Quand il a levé le bras, j'ai fait un petit mouvement en arrière. »« Et puis après ?» demanda Tirubala qui se tenait devant lui, immobile de surprise. « Après, parle donc. » « Je me suis penché en arrière et le maladroit m'a manqué. »« Tu es plus lâche qu'une corneille !» répliqua Tirubala en colère. « Ta poltronnerie a fait échouer un projet que je roulais dans ma tête depuis 2 jours. Va-t'en, ou je te jette du haut de ce pont dans le canal. » Tirupati, qui voyait venir l'orage, ne se le fit pas dire 2 fois. Il s'éloigna d'un pas rapide, tandis que son frère, gesticulant et se parlant à lui-même, se dirigeait vers le port, refuge habituel des vauriens et des désœuvrés de son espèce. À vrai dire, il n'y a pas de port à Alep. Les navires mouillent en rade, à 1/2 mile de la plage de sable sur laquelle les pirogues des indigènes sont échouées. Tout près du rivage s'élève une espèce de hangar qui sert de dépôt aux marchandises venues du dehors. À l'ombre des beaux arbres qui l'entourent, la végétation ne fait défaut nulle part sur la côte, se réunissent les marchands, les marins, tout ce monde de travailleurs diversement occupés, de vagabonds et d'oisifs qu'attire l'activité des villes commerçantes. Là passent les coulis, les portefaix, ployant sous leur charge. On y entend le cri monotone et plaintif des porteurs de palanquins qui trottent sur la grève d'un pas régulier. Des mendiants couverts d'ulcères sollicitent la pitié des étrangers par des clameurs assourdissantes. Dans les pays chauds, où la douceur soutenue du climat n'oblige point l'homme à se couvrir, la misère ne perd rien de son aspect attristant. Si le pauvre n'a pas de haillons, sa peau ridée qu'écorchent les os, ses flancs creux, ses membres flétris qui ont perdu l'éclat de leur couleur naturelle, sont autant de marques auxquelles on reconnaît les effets de la souffrance. Sur ces corps humains détériorés par la faim et par l'usage d'aliments corrompus, l'œil découvre avec effroi des germes de maladies terribles, comme on voit sur l'écorce d'un arbre dont la sève est altérée se former des excroissances monstrueuses ou se creuser des plaies profondes. Ce qui attriste le plus l'étranger à son arrivée sur cette côte si favorisée par la nature, ce sont des troupes de femmes à demi nues qui vont des greniers d'entrepôt au rivage, la tête chargée de grandes corbeilles remplies de poivre. Combien faut-il de ces paniers pour compléter la cargaison d'un navire de 500 tonneaux? Ces femmes elles-mêmes ne sauraient le dire. Les unes, à peine adolescentes, traînent péniblement une jambe alourdie par les premières atteintes de l'éléphantiasis. Les autres, vieilles et décharnées, s'enfoncent jusqu'à la cheville dans le sable, qui cède sous leurs pieds et semble prête à s'affaisser sur elles-mêmes. Exposées durant tout le jour à l'ardeur d'un soleil tropical, noires comme des taupes, patientes comme des fourmis, elles marchent en procession sur deux fils sans se plaindre, sans comprendre peut-être la pitié qu'ils inspirent. Sur cette population débile et maladive, l'Européen, on le conçoit, l'emporte de toute la supériorité qui distingue du sauvageon de la forêt le fruit développé par la nature. Cependant, son costume étriqué et dénué d'élégance lui enlève une partie de ses avantages. Il en est tout autrement de l'Arabe. L'ampleur de ses vêtements, qui dissimulent les formes un peu grêles et disgracieuses de son corps, le turban aux larges plis qui enveloppe son front fuyant et arrondit ses tempes plates, la lenteur solennelle de sa démarche embarrassée par une chaussure incommode, tout contribue à lui donner une dignité singulière. Lorsque Youssouf revint au soir sur cette plage, il y trouva quelques nakhodas de son pays dont les navires étaient mouillés en rade à côté du sien. Il prit place près d'eux sous les cocotiers. Ces navigateurs arabes formaient un groupe curieux et pittoresque et comme le centre du tableau qui s'encadrait entre la mer et les grands arbres qui cachent la ville. Assis sur des balles de laine et fumant leurs longues pipes, ils trônaient majestueusement au milieu de la foule comme des maîtres entourés d'esclaves. Peu à peu, la rive devint déserte. Les nakhodas retournèrent à bord de leurs canots et l'ombre de la nuit s'étendit sur cette grève d'où la vie et le mouvement s'étaient retirés. On n'entendait plus que la voix aigre des mariniers et des pêcheurs du pays qui faisaient cuire leur riz en plein air. Tirubala avait regagné sa pirogue. Sous la voile qui la recouvrait comme une tente, son jeune frère Tirupati dormait déjà. Il s'étendit à ses côtés sans rien dire. Sa grande colère était passée. Ainsi, deux moineaux qui se sont querellés et menacés du bec et des pattes s'apaisent bientôt et sortirent fraternellement dans le même trou pour y passer la nuit.